Mais moi, j'aurais tendance à être d'accord avec Étienne Klein qu'en fait, on ne devrait pas employer le même mot. Parce qu'en fait, on a deux approches, disons, je pourrais appeler le temps A et le temps B, qui sont en fait radicalement pas les mêmes. Et je pense qu'il a très bien expliqué ce qu'on appelle, à mes yeux, en sociologie, la démarche nomologique, c'est-à-dire l'idée d'expliciter une loi qui ne dépend pas du temps. C'est-à-dire qu'au fond, la loi de la gravitation universelle, elle est vraie de tout temps. Bon, après, avec des nuances, parce qu'elle peut être, par ailleurs, on peut montrer qu'elle n'est pas tout à fait exacte, mais c'est une péripétie. Pour le reste, le principe même d'une loi valable de tout temps. Donc ça, je pense que, de ce point de vue-là, nous, on va diverger radicalement notre manière de manipuler une chose qu'on va appeler le temps, que j'appellerai le temps petit b, quoi. Là où on se rejoint, je pense, c'est dans l'idée d'irréversibilité, parce que je suis assez largement d'accord avec vous. Quand on essaie de réécrire le passé, ça prouve bien que le passé a eu lieu. Bon. Donc en fait, je pense que nous, on donne un côté encore bien plus dramatique à l'irréversibilité, c'est que quand quelque chose a eu lieu, ça change le contexte. Et qu'au fond, nous, on est tout le temps dépendants. Enfin, on cite chacun nos souvenirs. Moi, j'ai eu Jean-Claude Passeron comme directeur de thèse, ça m'a laissé des traces. En fait, en sociologie, on est tout le temps dépendant des conditions initiales, il y a quelque chose d'irréductible. Et donc, on ne peut pas parler d'une loi qui serait valable de tout temps, pour le coup. Disons éternellement, pour ne pas jouer sur les mots. On peut essayer, de temps en temps, on y tend, on essaie de trouver des régularités, on fait des démarches comparatives, enfin on fait des contorsions, mais au bout du compte, on a toujours, et on bute toujours sur cette idée des conditions initiales, qui fait qu'on est dans des situations radicalement différentes, parce que nous, on va se préoccuper de questions, et on va essayer de toucher le temps d'une autre manière, je dirais, parce que je suis bien d'accord que la physique, à sa manière, a touché le temps. Je suis d'accord avec cette formule-là. Nous, on essaye de le toucher d'une autre manière, et en fait, s'intéresser à des phénomènes où précisément ce qui est arrivé, en fait, change la nature des problèmes. Et effectivement, là, je pense qu'on est dans deux univers épistémologiques, quelque part relativement disjoints. Donc moi, je serais assez d'accord de dire on ne parle pas de la même chose, finalement.